Trio, c'est quand même. Ah, ça fait 15 ans que t'as pas entendu ça. J'avoue que Trio, c'est quand même bien travaillé au niveau vocal, et puis même au niveau arrangement instrument aussi, là. Acoustique, mais. Pff, chapeau, les gars, quoi. Thank you.